Leçon 3, page 25. Tu es maintenant en première année à la fac. Peux-tu me raconter comment tu en es arrivé là? Et d'abord, comment s'est déroulé ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire est somme toute assez ordinaire. On peut même le qualifier d'exemplaire, jusqu'à ce que je m'en mêle. Ma mère a toujours voulu décider seule, sans tenir compte de ce que je voulais faire. En sixième, j'ai fait de l'anglais, parce que c'est la langue qu'il faut absolument maîtriser de nos jours. Et pour la seconde langue, j'ai fait de l'espagnol. En même temps, est arrivé le latin. Il fallait que je sois dans la meilleure classe du collège. Ma mère a encore une fois décidé pour moi. En passant au lycée, j'ai gardé cette option qui me permettait encore d'être avec les meilleurs. Cependant, le choix de ma filière a suscité un vif conflit. Mes professeurs et moi-même pensions que je devais suivre la filière littéraire, tandis que ma mère voulait que je suive son exemple et que j'aille en première scientifique, qui offrait, selon elle, plus de débouchés professionnels. Nous avons finalement trouvé un terrain d'entente, la filière sciences économiques et sociales. Elle m'a permis de garder un enseignement général, à la fois littérature et scientifique. J'ai par ailleurs abandonné l'option latin pour prendre l'option musique, et l'année dernière, j'ai réussi à obtenir mon bac avec la mention « bien ». Pour la suite, je vais voir. Dans ma famille, on donne une grande importance aux études. Je suis donc prédestinée à me diriger vers un cursus long.